Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 43. De la mission des personnes divines. Mission invisible et visible des personnes divines. 1. Les personnes divines peuvent-elles être envoyées? Jésus-Christ dit, « Mon Père qui m'a envoyé est avec moi. » Jean 8, 16. La mission implique deux choses, le rapport de l'envoyé avec celui qui envoie, et le rapport de ce même envoyé avec le terme de sa mission. Le premier rapport suppose une procession quelconque, le second un commencement d'existence au terme de la mission, soit que l'envoyé n'y fût point auparavant, soit qu'il commence à y être d'une nouvelle manière. La mission peut convenir à une personne divine, comme dénotant une procession d'origine, et comme établissant un nouveau mode d'existence, c'est ainsi que le Fils a été envoyé par le Père dans le monde, pour y vivre sous une forme humaine, bien qu'il y fût déjà selon la nature divine. Note. La mission d'une personne divine ne dénonce dans l'envoyé ni infériorité, ni mouvement, ni séparation, et l'implique seulement une procession d'origine et de nouveaux rapports. Fin de la note. 2. La mission des personnes divines est-elle éternelle ou temporelle? La mission et la donation, qui indiquent un terme temporel, sont temporelles. Lorsqu'est venue la plénitude du temps, a dit l'apôtre, Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, 4. Qu'une personne divine, en effet, soit envoyée pour être quelque part, ou qu'elle soit donnée pour être possédée par telle créature, cela est temporel et non pas éternel. La génération et l'aspiration sont éternelles. Mais la mission et la donation tombent nécessairement sous la loi du temps. La procession et la sortie sont éternelles et temporelles, éternelles, en tant que le Fils procède de toute éternité du Père, temporelles, en tant que ce même Fils procède dans le temps, soit par la mission visible qui le fait homme, soit par la mission invisible qui le fait habiter dans l'homme. 3. La mission invisible d'une personne divine n'a-t-elle lieu que par le don de la grâce sanctifiante? Dieu est dans tous les êtres d'une manière générale par son essence, par sa puissance et par sa présence, comme la cause est dans les effets qu'elle a produits. Il est dans les créatures raisonnables d'une manière particulière, comme le connu est dans le connaissant et l'objet aimé dans le sujet aimant. Aussi nos livres saints disent-ils qu'il habite en elle comme dans son temple. Cette nouvelle manière d'exister dans les êtres intelligents ne saurait s'expliquer autrement que par le don de la grâce sanctifiante. Or, en recevant un tel don, on reçoit le Saint-Esprit lui-même, qui est donné et envoyé pour habiter dans l'homme. C'est ainsi que la mission invisible d'une personne divine s'accomplit seulement par le don de la grâce sanctifiante. Note. Le don de la grâce sanctifiante perfectionne si bien la créature raisonnable qu'il la met en état de jouir de la personne divine elle-même. Aussi la mission invisible emporte-t-elle tout à la fois et le don de la grâce sanctifiante et le don d'une personne divine. C'est dans ces principes qu'il est dit que la charité est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La grâce appelée grâce gratuite peut nous faire connaître le Fils, mais elle ne le fait pas habiter en nous. Le don des miracles manifeste d'ordinaire la présence de la grâce sanctifiante, et l'on peut dire que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour faire des miracles, dans le sens qu'ils reçurent la grâce sanctifiante avec le signe qui la manifeste. Que, si quelqu'un recevait le signe de la grâce sans la grâce sanctifiante elle-même, On ne dirait pas simplement que le Saint-Esprit lui a été donné, mais, ajoutant un correctif, on dirait qu'il a reçu l'esprit prophétique ou l'esprit des miracles. Fin de la note. 4. Le Père peut-il être envoyé? Nous ne lisons nulle part, dans les Écritures, que le Père ait été envoyé, il se donne lui-même, en se communiquant aux créatures raisonnables par pure libéralité. Il habite en nous, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit, par le don céleste de la grâce, dont il est la cause, mais, comme il ne procède pas, on ne dit point qu'il est envoyé. 5. Le Fils peut-il être envoyé invisiblement? La Trinité tout entière habite dans notre âme par la grâce sanctifiante, comme nous le marque cette parole, nous viendrons lui et nous y ferons notre demeure. Jean 14, 23. Mais une personne divine est spécialement envoyée à quelqu'un par la grâce invisible quand elle habite en lui d'une nouvelle manière et qu'elle tire son origine d'une autre personne. Or, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans les créatures raisonnables par la grâce, et ils ont tous deux un principe d'origine. Ils peuvent donc l'un et l'autre être envoyés. Que manque-t-il au Fils pour être envoyé comme le Saint-Esprit? Comme lui, il procède du Père, comme lui aussi, il habite dans la morne de la grâce sanctifiante. D'après ce qui a été dit, il ne faut pas d'autres conditions pour la mission invisible. Pour le Père, c'est autre chose, il lui convient d'habiter en nous par la grâce, mais il n'y est pas envoyé, parce qu'il ne procède pas. Le Fils, qui est le Verbe produisant l'amour par spiration, est envoyé pour perfectionner l'intelligence, non d'une manière quelconque, mais d'une perfection qui fait naître l'amour, suivant cette parole du prophète. Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et, durant ma méditation, un feu s'y est embrasé. Psaume 38, 4. De là, ce que dit saint Augustin, le Fils est envoyé invisiblement quand il est connu et goûté. 6. Les personnes divines sont-elles envoyées invisiblement à tous ceux qui ont la grâce? La mission invisible, dit saint Augustin, a lieu pour la sanctification des créatures. On peut en conclure que les créatures sanctifiées ont été l'objet d'une mission invisible. La mission invisible, en effet, consiste en ce que la personne divine qui est envoyée commence d'être d'une nouvelle manière où elle était déjà. De là deux choses à considérer dans la créature qui en est le terme. Premièrement, l'habitation de la grâce, ensuite, le changement opéré par la grâce. Dans tous les hommes où l'on remarque ces deux choses, la mission divine existe, et, dès lors, elle a lieu pour tous ceux qui obtiennent la grâce sanctifiante. Note. La mission invisible des personnes divines s'est accomplie dans les justes de l'Ancien Testament. Elle s'opère de nos jours, non seulement dans ceux qui reçoivent la grâce par les sacrements, mais dans les chrétiens qui s'élèvent à un nouvel état de la grâce par quelques grands sacrifices. Au ciel même, en attendant le jugement dernier, elle s'opère de nouveau dans les bienheureux, lorsque de nouveaux mystères leur sont révélés. Fin de la note. 7. Le Saint-Esprit peut-il être envoyé visiblement? Il est écrit que le Saint-Esprit descendit sur le Seigneur, au moment de son baptême, sous la forme d'une colombe. Matthieu 3. Dieu pourvoit aux besoins des êtres de la manière la plus conforme à leur nature. Il nous est naturel d'aller des choses visibles aux choses invisibles. Aussi les secrets du monde invisible ont-ils dû nous être manifestés par le monde visible. Il était donc convenable que Dieu manifestât par certaines réalités visibles les invisibles missions des personnes divines. Mais le Fils ne devait pas être manifesté comme le Saint-Esprit, celui-ci procédant comme amour et le don de sanctification dont le Fils, comme principe, est l'auteur, et c'est pour cela que le Fils a été envoyé visiblement comme auteur, et le Saint-Esprit comme signe de la sanctification. Note. Il était convenable que la mission du Fils, auteur de la sanctification, s'opéra dans une nature intelligente et libre, capable d'agir et d'être elle-même sanctifiée. Mais le signe de la sanctification a pu être une créature quelconque. Il n'était pas nécessaire que cette créature fût unie à la personne du Saint-Esprit, puisqu'elle ne devait former qu'un symbole, et pour cela même elle a pu disparaître après la manifestation divine. Rien n'exige que la mission invisible soit toujours accompagnée d'un signe extérieur. L'Esprit Saint, qui ne manifeste sa présence par des signes sensibles que dans l'intérêt de l'Église, pour l'affermissement et la propagation de la foi, a dû toutefois accomplir la mission visible non seulement à l'égard de Jésus-Christ, mais envers les apôtres, et envers les saints qui sont comme les fondements de l'Église. Il l'opéra au baptême du Christ, sous la forme d'une colombe, et dans la transfiguration sous l'emblème d'une nuée lumineuse. Il l'accomplit dans les apôtres, d'abord sous la forme d'un souffle pour montrer la puissance de leur ministère dans la dispensation des sacrements, et c'est de là qu'il leur fut dit, « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Jean 20, 23. Ensuite sous la forme de langue de feu, pour montrer leur charge de docteur. Fin de la note. 8. Une personne divine peut-elle être envoyée par celle dont elle ne procède pas? Les savants ne sont pas tous d'accord sur cette question. Les uns disent que la personne n'est envoyée que par celle dont elle procède éternellement, suivant ce sentiment. Quand on lit dans Isaïe que le Fils a été envoyé par le Saint-Esprit, Isaïe 48, 16, il faut entendre qu'il a été comme homme pour prêcher l'Évangile. D'un autre côté, Saint Augustin dit que le Fils est envoyé et par soi et par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit l'est aussi par soi et par le Fils. Selon cette opinion, toutes les personnes divines peuvent envoyer, mais les personnes procédantes peuvent seules être envoyées. Ces deux opinions sont vraies à divers points de vue, car si on désigne celui qui envoie comme le principe de la personne envoyée, chaque personne n'envoie pas, il n'y a que celle qui est le principe d'une autre. Mais si on a égard qu'au résultat de la mission, on peut dire alors que toute la Trinité envoie la personne à laquelle on attribue une mission, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la personne envoyée procède de celle qui envoie. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.